Bonjour, aujourd'hui vendredi 5 juillet, nous sommes au pont du Gard et voici quelques explications qui nous sont fournies au cours d'une exposition. Un monument historique. C'est la Révolution française qui promeut la notion de monument historique, entre guillemets. En 1794, pour s'opposer aux dégradations commises par les révolutionnaires contre les monuments anciens, l'abbé Grégoire souligne dans un rapport l'existence d'un patrimoine collectif dont la sauvegarde est d'utilité publique et qui intéresse la mémoire et l'identité nationale. Sous la monarchie de Juillet, Guizot, le ministre de l'Intérieur du roi Louis-Philippe, consacre cette vision en créant en octobre 1830 un poste d'inspecteur des monuments historiques confié à Ludovic Vité, puis à Prosper Mérimée. Le pont du Gard est classé monument historique sur la première liste établie en 1840. Son environnement est site classé depuis le 13 septembre 1973. Aujourd'hui, la Direction régionale des affaires culturelles instruit un dossier de protection globale de l'ensemble des vestiges de l'aqueduc. En décembre 1985, le pont du Gard est inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO, consacré comme chef-d'œuvre du génie créateur humain, témoignage exceptionnel de la civilisation romaine, inscrit dans un site et un paysage tout à fait remarquables. La poésie des ruines. Les multiples représentations du pont du Gard depuis le XVIe siècle traduisent une mesure du beau et un idéal de perfection qui produisent autant de réinventions du monument. Elles définissent également un comportement vis-à-vis de la nature, de la recherche du pittoresque et d'une certaine poésie des ruines. Car les ruines antiques incarnent depuis le XVIIe siècle un idéal esthétique revendiqué et fournissent un ingrédient de la peinture de paysage qui va inonder l'Europe à partir de l'Italie, laquelle devient la principale destination touristique d'écrivains, de peintres, d'architectes qui accomplissent leur grand tour, entre guillemets. Cette fascination exercée par les ruines antiques exprime également des aspirations romantiques vers l'infini et le passé, vers la beauté menacée par la mort. Dans le grand tableau du peintre français Hubert Robert, issu de la commande royale de 1887 sur les monuments de Provence et conservé au Louvre, la vue du pont du Gard semble empreinte de fantaisie romantique, de rêverie vaporeuse. Les images fondatrices. La Renaissance voit s'exprimer un immense besoin de connaissances alimenté par la redécouverte de l'Antiquité. Le souci d'étudier et de conserver les œuvres de cette époque entraîne une perception nouvelle de ces monuments, désormais investis d'une valeur de mémoire. Le pont du Gard, vestige d'une grande civilisation, devient un témoin qu'il faut aller visiter. Pont admirable, œuvre des Romains, jadis aqueduc, comme l'indique la première carte connue le localisant, celle de Charles de l'Écluse en 1565. La gravure sur bois, extraite de l'ouvrage de Jean-Paul Daud d'Albénas, Discours historial de l'antique et illustre cité de Nîmes, publié à Lyon en 1560, constitue la plus ancienne représentation actuellement connue du pont du Gard. Cette prise en considération du monument connaît un retentissement international. Les images en sont copiées ou reproduites, telles quelles ou coloriées, dans des ouvrages allemands ou hollandais. D'autres érudits voyageurs, férus d'architecture, se rendent au pont du Gard et dessinent le monument dans leur journal. La deuxième vie de l'aqueduc, après avoir connu les outrages du temps, des intempéries et de la végétation qui s'infiltre et disloque l'ouvrage, l'aqueduc va se transformer en carrière. Bien que les démantèlements de l'aqueduc dus à l'homme aient commencé sporadiquement avant, il paraît établi que la démolition systématique du canal de l'ouvrage antique a été conduite entre les années 1150 et 1200 par les religieux et les moines bâtisseurs. Les destructions vont surtout affecter les ponts de Vers, de Valive, de Font-Ménestière, de Lacombe-Roussière. Le pont du Gard perd ses 12 premières piles et arches, le mur porteur du canal jusqu'au bassin de régulation. Les blocs de grands et petits appareils sont retaillés et incorporés aux nouvelles constructions sans qu'on ait pu toujours les identifier. On a en revanche pu repérer les dépôts carbonatés de l'aqueduc réutilisés en tant qu'éléments structurels ou décoratifs dans des édifices religieux du XIIe siècle. On les retrouve principalement dans les communes environnantes. À la suite des destructions médiévales, la canalisation a fait l'objet de réutilisations ponctuelles, abris, citernes, terrasses de culture. Certaines d'entre elles sont observables en surface, d'autres ont été révélées par les fouilles. Les ouvrages d'art, tous les ponts de l'aqueduc présentent une unité architecturale que l'on peut attribuer à un même architecte concepteur. Ponts en petit appareil, comme les arcades de Vers et les ponts à une arche de Remoulin, ponts où le grand appareil était utilisé, comme ceux de Bornègre, de Font-Ménestière, de la Combroussière et bien sûr le pont du Gard. L'adaptation des choix fondamentaux à chaque cas invite à penser que l'architecte assurera aussi la direction des travaux et la surveillance des différentes équipes. En outre, ces ponts offrent de grandes ressemblances avec plusieurs ponts routiers de la cité de Nîmes, ce qui laisse à croire à l'existence d'une école régionale d'architecture favorisée par l'expérience déjà longue des carriers locaux. Le pont du Gard atteste de façon spectaculaire le défi technique relevé par ses concepteurs. Néanmoins, il n'est que le dernier élément d'une série de ponts à arcades continues et de ponts à deux étages qui permettent à l'aqueduc de passer du piémont des garrigues d'Uzès au flanc des garrigues de Nîmes. L'histoire complexe d'un ouvrage. En 1984, une équipe de recherche pluridisciplinaire du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, engage l'étude de la totalité de l'aqueduc. Ces travaux rassemblent des spécialistes de l'histoire, de l'archéologie, de la topographie, de l'architecture, des eaux et des sciences de la terre. Renouveler, voire révéler, l'histoire d'un ouvrage vieux de 2000 ans suppose des méthodes rigoureuses. Pour cela, l'équipe de recherche programme de multiples fouilles sur le terrain, effectue des relevés et restitutions d'architecture, analyse les dépôts calcaires issus du passage de l'eau. Elle s'appuie aussi sur une approche déductive et comparative à partir de l'histoire de la région, de la documentation et de l'épigraphie antique. Elle va ainsi parvenir à dater plus précisément la construction. En croisant les observations et confrontant les approches, l'équipe a pu restituer le projet des constructeurs et rendre compte de l'histoire complexe de l'ouvrage. Bilan d'une recherche. Le bilan de la recherche sur l'aqueduc de Nîmes est à la mesure de l'ampleur et la richesse du sujet. L'inventaire régional des ressources en eau a montré que le choix de la fontaine d'Eure était le plus pertinent. Le tracé a été précisé et inséré dans une cartographie originale à plusieurs échelles. Sa stratégie a été mieux comprise dans son contexte. L'étude des pentes a été précisée. Les ouvrages d'art ont fait l'objet de relevés précis. Grâce aux fouilles, des découvertes spectaculaires ont été réalisées. Mise au jour de deux bassins de régulation, découverte de ponceaux, restitution de ponts à deux étages aujourd'hui détruits, révélation de la surélévation du canal sur le pont du Gard. Les résultats issus des travaux vont permettre de dater et caractériser les différentes périodes de fonctionnement de l'aqueduc jusqu'à sa redécouverte au Moyen Âge. L'histoire de l'aqueduc s'est trouvée ainsi complètement renouvelée. Nîmes, la ville. Nîmes est née de l'eau. Elle est établie aux abords de la source de la fontaine où s'organise dès l'époque pré-romaine le culte du dieu éponyme Némosos. Quand elle devient colonie, sa population passe de quelques milliers à 20 000 habitants environ entre les premiers siècles avant et après Jésus-Christ. Le rempart, offert à la ville par Auguste en 16-15 avant Jésus-Christ, se développe sur 6 km et protège près de 220 hectares. La ville de Nîmes s'organise autour de deux centres monumentaux, le sanctuaire de la fontaine, Augusteum, voué au culte de l'empereur, et le forum au sud duquel s'élève la maison carrée, 1 à 5 après Jésus-Christ. Au sommet du mont Cavalier, la prestigieuse tour Magne domine la plaine du Languedoc. Elle indique aux voyageurs le sanctuaire du culte impérial. Après le premier chantier monumental, vont se multiplier les équipements fonctionnels. L'aqueduc, 40 à 60 après Jésus-Christ, et l'amphithéâtre de 23 000 places vers 90 après Jésus-Christ, qui offre les conditions d'un renouveau pour le mode de vie urbain. Ici se termine notre reportage sur le pont du Gard.